C'est le moment de retourner à l'émission du matin Assemblage requis. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 16 février 2015. Passe une belle fin de semaine. Ouais, ben ouais. Oui, ma maman était là, montée de Gaspésie. OK. Fait qu'on on a papoté en fille. Party, party, mettons. C'était pas party comme un papoté. Donc, David Ferron et sa chronique Les Notes Salées. Et un nouveau personnage de la famille de Marie Melon. Restez à l'écoute ou encore, faites tout pour ne pas rester à l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a, David Ferron, en ce moment, à dire que l'air sent pas pareil? Non, en fait, c'est que Marie Melon a décidé d'aller se trouver un nouvel ami. OK. Elle a jeté son dévolu sur Gilbert Lourson. Elle est là, Gilbert Lourson. Non, c'est Gilbert Lourson. Il est effrayant, Gilbert Lourson. Non, Gilbert! Non, Gilbert, s'il te plaît, chante pas du Cher. Do you believe in love after love? Je suis Gilbert, le méchant nounours. Non, Gilbert, non! Oh, okay. Wow. Ok, là, je suis. Ok, bon, hier, ok. Fou. Hein? Pauvre David, pauvre toute la... Il est pas mort? Non, je sais pas. Il me manque un bras. Ah, il te manque un bras, qu'est-ce que c'est? Ah, juste ça? Le mime. Ben là, c'est genre... Ça a pris du temps, non, mais ça a pris du temps à couper ça, ce bras-là. Ouais, mais c'est un ours. Ton bras? Non. Non, l'ours, ok. Puis on se retrouve la semaine prochaine, lundi à 8h30, pour une autre chronique Les Notes Salées. Oui. Good. Je vais essayer de me trouver un bras en attendant. Ouais, c'est ça, fais attention. Non! Pas l'autre! Non! Il a plus de bras du tout! David a perdu ses deux bras! Comédie! C'est les notes salées? Oui. Salé, moi, je te dis, prends le demi-sel, c'est bien meilleur. Look at my nuts. C'est les notes salées avec David Ferron. Oh, t'es pas assez souple. Non. Souple au lait. Souple au lait. Oui. De voir une fière chandelle. Ben ça, c'est Jean-Philippe Charbonneau, co-animateur des Palmarès C'est Fou, qui aime beaucoup les ailes de poulet, hein. OK. Donc, il est très fier de son chandail qu'il a réussi à planter chez eux. OK, je pensais que c'est parce qu'il cachait des ailes dans son chandail. C'est un chandail. Ah, c'est bon, ça aussi. On va prendre ça à la place. Il cache des ailes de poulet dans son chandail, c'est un chandail. C'est parfait, ça. Ah, d'avoir une fière chandail, c'est avoir une grande dette de reconnaissance envers quelqu'un. Steph, elle capote là, sur son camout. Ah, c'est bon. C'est bon. Avec tout à fait. Les journées, c'est pas les journées, c'est pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Tu sais, si j'ai un souper, il faut que je mélange de tout. C'est steak avec la patate puis avec les légumes, tu sais, moi je mélange ça. Moi, contrairement à la pâte à modeler. La pâte à modeler, tu ne veux pas les mélanger ensemble. Non, parce qu'après ça, tu as fait du brun. C'est ça. Exact. Tu peux juste modeler des tas de... Fait qu'on est pour la ségrégation dans certains domaines. Et on donc, est la pâte à modeler, c'est pas de la crème glacée. Radio universitaire. La ségrégation est correcte dans certains domaines. Non, on jase des affaires. C'est bon de se mêler, mais pas trop. Ça dépend. Les beignes. Les beignes. Boston chocolat. Ouais. Pas de ségrégation sur les beignes Boston. Mais moi, pas de ségrégation sur les beignes Boston. Je suis encore ça. Hey, qu'on a une belle émission chargée aujourd'hui. Ah, super! Émission toute fraîche, là, comme la température. Elle est toute propre. C'est ça, toute propre. Mis sur son... Donc, tous les chroniqueurs ont pris leur douche ce matin. Exact. Elle est mise sur son 7h36. Mis sur son 36, genre... Ah, c'est plate, moi, s'il était 37, ça marche pas. Qu'est-ce qu'un ifri? Les ifri, tu l'as en variété ifri, tu l'as aussi en variété dans un wok, ça c'est un iwok. un gag de Star Wars. Un autre. Un Ewok en rafale. T'as le Ipané, le Igrillé, puis le Ewok. Okay, là, ça... Le Ewok, ok. Non. Elle est vraiment bonne. Merci. J'ai juste vraiment allumé à trop en retard. La pièce Apocalypse de chocolat, mais pas Carouble. Ne faut pas se tromper. Chocolat. C'est pas le même groupe. Non. Au retour, le groupe Carouble. Ils devraient faire un groupe hommage à chocolat qui va s'appeler Carouble. Ça voudrait Duba Caroucole. Duba Caroucole. Quand on sert d'un poêle au nafta en camping, c'est, en hiver, c'est hyper important de ne pas se faire ça sur les doigts. Comme on dit en anglais, you have to be careful. You have to be careful. C'est un jeu de mots avec nafta. Il était vraiment bon. Il était vraiment bon. J'étais sûr de toi. Je l'avais compris. Merci. Beaucoup de mythes de moines tibétains, dont celui justement de deux moines qui sont restés pris dans une caverne durant une tempête de neige au Tibet, c'est comme assez en altitude. Il y avait une sitcom là-dessus, je pense, sur les moines tibétains qui se protégeaient du froid, ça s'appelait Moine et l'autre, avec Dominique Michel dans le rôle de Dominique Michel. Hey boy! Feu roulant de plaisanterie. Un bon café pour se réchauffer. Oui, ça marche. Tout ce qui est breuvage chaud, tout ce qui augmente la température du corps va aider le corps à se réchauffer. Du gingembre. Ou du sexe. Oui, aussi. Ben c'est ça, ouais. Parce que là, le gingembre, tu te la sers pas entre les gingembres. Mais faut toujours faire attention aux extrémités quand il fait froid, ouais, par exemple. C'est parce vrai, que ça. C'est du sexe habillé. C'est ça. Faut tellement je me retienne sur des blagues que je voudrais faire d'avoir un gingembre. Mais j'y ferai pas. J'y ferai pas, parce que c'est pas mon genre de faire ça en non, c'est pas ton gingembre. C'est pas... J'avais comme une graine de blague, tu sais. T'as parlé que, tu sais, la règle d'histoire, t'aimes pas ça. Si t'aimais pas l'actrice, mettons, Jennifer Aniston, tu sais. Il y a un gag à faire avec Aniston. Anis, c'est réglisse noire. Mais tu sais, c'est comme une graine de gag. Faites-le oh, vous-même. Ouais, c'est comme un gag dont vous êtes le héros. C'est là, exact. Ouais. Et on se quitte avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Tu t'en vas où de même, Steph? Hein? Tu t'en vas où, mettons, après? Après? Ouais. Mon chenou. Ben, je te suis. Non, je ça marche pas avec je te suis. Ça marche pas. Genre, j'ai pas d'eau au gym. Ouais, c'est ça. Et crime que non. Navarre, je te suis. Oui, on est bien en direct. Il est 7h43. On vient d'une panne de courant qu'il y a eu pendant la nuit. Assez fou. Donc, bien, ben, vous avez sûrement vécu vous aussi, mais on ne diffusait pas. On vient de revenir en ondes. Oui, moi, j'aimerais ça que les gens appellent pour nous dire dans votre secteur, c'était à quelle heure, parce que là, on comprend plus rien. Moi, je m'obstine pas. Tu t'obstines pas avec la destinée? C'est ça. Mettons. Laisse aller la roue du destin. Et tourne la roue du destin, Mathieu. D'accord, je tourne. Je me raccroche à la vie. C'est quoi la toune, ça? Je sais pas, c'est une toune? Ouais, mais moi, je me suis dit, on a vu des ondes avec la panne de courant, fait que je peux chanter n'importe quoi. T'sais. Non, il y a personne de toute façon. Il y a personne. On vient de revenir en ondes, littéralement. C'est le temps de baisser tes culottes. On va faire le poste d'écoute aujourd'hui. Ben oui. Tu nous as défriché un CD de la discothèque de C'est fou. Ouais. Un CD en anglais? Ouais. Es-tu mauve? Non. Es-tu rose? Y a du rose dessus. Y a-tu un article comme the? Non. Y a-tu un le? Non. Y a-tu une moustache? Je pense que non. Est-ce qu'il est roux? Je pense que non. Non, quand ça va être long. Hein. On devrait jouer à qui est-ce en ondes. Si on voulait faire des quiz. Quelqu'un qui fait une exagération de la pratique sportive, qui peut soit causer des blessures, causer de la frustration, un sentiment de culpabilité, un épuisement. Donc, dès qu'on est dans l'excès, on tombe dans le côté déviant. C'est un peu comme Dark Side of the Moon, mais à la place, c'est Dark Side of the Phone. Comme oh! Phone. T'aimes ça? Laisse faire. Non, moi, je l'ai trouvé bonne. Merci. Steph, elle a peut-être pas trouvé. Non. C'est trop facile. Ceux qui font l'école buissonnière, qui s'enlignent pour être dans un gang de rue. Avec leur bandana. Oui, toi. On s'adresse justement à toi ce matin. Les bananes en bandana. Celle-là était facile. Mais celle-là, c'était, je pense qu'elle l'a trouvé drôle. Moi, tu me parles de banane, je trouve ça drôle, peu importe c'est quoi. Consommation excessive de narcotiques qui disait que c'était le loisir des viandes le plus répandu au monde. Oh, wow! Oui. Ben, donc, faut pas oublier le loisir des viandes aussi, là, ceux qui mangent vraiment beaucoup de bacon. Ouais, les petites viandes froides, tu les presser. Donc, pour ceux qui avaient peut-être pas compris, j'ai pas dit de viande, j'ai dit des viandes. Des viandes, d'accord, excuse-moi. Ah, ok, l'eau en bouteille. Là. Ah oui! Oui! On va à la source de cette blague. Ah, la source! Non! La personne qui décide par un loisir des viandes de briser des choses, de voler des choses, de faire du grabuge, nuit à quelque chose qui appartient à la collectivité. Ouais. Mm-hmm. Mettons qu'il boit beaucoup de vin, il va faire un vin et dommage à la place d'un vin et fromage. Ça, ouais. Exactement. Si justement, s'il nuit à autrui, ça va à l'encontre des loisirs des viandes, là, avec le bacon, parce que t'attaques le bacon, ça. Merci Mathieu. Merci à toi Stéphanie Paradis. Un plaisir. Passe une belle fin de semaine. Ben, pareil, mais ça, il serait chien de. Ce serait chien non, de me dire. Non, le... toi, contre... on s'en fout. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 16 février 2015, toujours avec une semaine de délai. Et Colin, c'était un super format, ça. Il y en avait beaucoup de bons moments cette semaine. Plein de pépites. Des pépites de bonnes blagues. De bonnes références. Évidemment, faut, on récompense l'écoute attentive de ce bloc parce que des fois, ça passe vite la référence de pourquoi est-ce qu'on a fait cette blague-là. Écoutez, Assemblage Requis, du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30 ici même sur les ondes de C'est fou avec Stéphanie Paradis ainsi que moi, Mathieu Plante, des fois. C'est assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion et pour réécouter les capsules d'un instant classique ainsi que toutes les autres chroniques importantes de l'émission. Tout est là sur assemblagerequis.com.